Je t'aime. Plus que personne au monde ne pourra t'aimer. Mon fils, pour qui je donnerai mes bras, pour qui je donnerai mes yeux, je crois, pour qui un jour ma femme a pleuré de douleur et de joie. Si au fond je ne te connais pas, ne deviens pas le traître pour moi. Mon fils, je ne me battrai pas. Personne ne vit ta vie pour toi, c'est que ton reflet dans la glace. Personne ne te pardonnera, personne n'aura mal à ta place. Personne ne sentira le froid au fond de ton cœur quand tu passes. Personne ne vit ta vie pour toi. Mon fils, toi qui devras porter mon nom, fasse que ce soit pour le bien, et qu'un jour ce soit ma raison d'être fier de porter le tien. Si les chemins que tu choisis ne sont pas ceux que j'aurais pris, mon fils, écoute, je t'en prie. Personne ne vit ta vie pour toi, c'est que ton reflet dans la glace. Personne ne te pardonnera, personne n'aura mal à ta place. Personne ne sentira le froid au fond de ton cœur quand tu passes. Personne ne vit ta vie pour toi, même ces femmes qui t'ont aimé n'ont mal que pour elles quelquefois. Personne ne pourra oublier ce que tu auras fait de toi, ce que tu auras mérité. Personne ne vit ta vie pour toi, tu traceras seul le chemin. Ce n'est que toi qui choisiras s'il sera le mal ou le bien. Tu seras le seul à payer ce que tu auras dépensé. Personne ne vit ta vie pour toi.